Une promenade à Vladivostok par Paul Labbé. Vladivostok est peut-être la ville de Sibérie dont on parlait le plus en France avant que la guerre actuelle eût mis Port Arthur au premier rang. Les voyageurs, les réclames, les cinématographes l'avaient mise à la mode. Elle a pris la place d'Irkoutsk que Michel Strogoff avait auparavant rendu célèbre, quoique bien encore l'attention du monde se porte sur elle. Quoique Vladivostok soit une ville russe et bien russe, elle ne ressemble aucunement aux autres cités sibériennes. Comme Saint-Pétersbourg et surtout Odessa, elle est avant tout ville cosmopolite et il serait difficile d'établir le nombre exact des langues qui y sont parlées dans une même journée. Les Asiatiques s'expriment en chinois, en japonais, en coréen. D'autres dialectes, moins connus encore, servent à des indigènes presque sauvages venus des côtes de l'océan. On entend tour à tour l'anglais d'Amérique et la langue plus pure du Royaume-Uni. Des matelots qui passent par le norvégien, des commerçants ne connaissent que l'allemand de Hambourg ou que le patois autrichien. On voit parfois des Italiens, des Hollandais, des Danois. Et les sujets russes, venus des différentes provinces de l'immense empire, n'ont point perdu le parler de leur ville natale. Ils emploient de préférence, selon leur origine, la langue polonaise, le petit ou le grand russien. Notez que j'en oublie, puisque je n'ai parlé ni des Turcs, ni des Arméniens, ni des Israélites, ni des Grecs et tant d'autres encore. Et les Français, me dira-t-on, vous les oubliez? Ils sont si peu. Il y a pourtant quelques maisons françaises peu florissantes, hélas, à qui je souhaite de tout cœur l'heureuse fortune qu'ont eu à Vladivostok les grands comptoirs établis par les Allemands. On m'avait montré lors de mon voyage de 1899 les statistiques du port de Vladivostok, fréquenté chaque année par un grand nombre de bateaux étrangers, pour la plupart russes ou japonais, norvégiens ou allemands, anglais ou américains. Je feuilletais lentement le livre, et je voyais les années se passer sans y trouver mention de bâtiments français. Seul un navire de guerre vient parfois y jeter l'ancre dans la baie, et nos officiers et nos matelots sont cordialement accueillis par leurs camarades russes, comme le sont d'ailleurs les marins des autres pays. Notre situation commerciale ne s'est pas améliorée depuis lors, et les bateaux japonais, norvégiens, allemands, anglais, américains sont toujours les plus nombreux. Je ne dirais même pas que nous venons après les bateaux hollandais, italiens, autrichiens et danois qui sont scrupuleusement notés dans la statistique. Non, la vérité est plus triste encore, nous n'existons pas, et il y a des ouvriers qui travaillent depuis bien longtemps sur le port et qui ne connaissent pas même les couleurs du pavillon français. Il est très regrettable que les messageries maritimes qui ont des agences à Nagasaki, Kobe et Yokohama n'aient pas fondé une succursale à Vladivostok. Bien des gens craignent un peu les bateaux russes, qui ne sont pas toujours très propres et où le service est en général mal fait. En outre, les capitaines russes à l'Extrême-Orient vident chaque jour bon nombre de bouteilles, ce qui n'est pas fait pour assurer les passagers. Rien d'amusant comme la foule bariolée qui se presse dans les rues de Vladivostok. Il y a là un mouvement continuel qui procure aux voyageurs une première impression joyeuse et charmante, et ils s'arrêtent en riant au milieu des Coréens vêtus de toile blanche et des Chinois habillés de coton bleu. Il est vrai qu'ils se défient un peu de ses voisins, car les voleurs de l'extrême Sibérie sont célèbres, et un marchand allemand me racontait un jour en soupirant « Il y a ici des milliers de voleurs qui deviendraient assassins au besoin. Les Coréens vous volent, les Chinois vous pillent et les vagabonds russes vous enlèvent le peu que les autres vous ont laissé. » Je n'ai pas été volé à Vladivostok. C'est peut-être pourquoi les histoires fabuleuses qu'on m'a racontées m'ont plutôt amusé. J'ai même souvent trouvé les voleurs spirituels et parfois polis et pleins d'attention. J'étais volé il y a quelques jours, me racontait la femme d'un officier général de la flotte. Les voleurs ont dévalisé ma cuisine et mangé tout ce qu'ils y ont trouvé. Il est vrai qu'au fond d'un pot de confiture, ils ont laissé un mot d'écrit. Merci de grand cœur, Excellence, car vos confitures étaient vraiment délicieuses. Et mon aimable interlocutrice ajoutait en riant. Si j'étais entré dans ma cuisine, ils m'auraient sans doute tué. Mais leurs remerciements, si gracieusement écrits, prouvent qu'ils étaient des gens du monde et, somme toute, parfaitement élevés. Cette conversation avait lieu en gravissant une des collines escarpées qui dominent Vladivostok. À nos pieds s'étendaient des baies merveilleuses. La mer, toute bleue, baignée des promontoires rocheux et des presqu'îles aux formes étranges, couvertes d'arbres d'un vert très foncé. Dans le port, des cuirassés semblaient endormis, des jonques chinoises glissaient en zigzag sur les eaux tranquilles, et quelques gros bateaux, sous pression, portant le pavillon de départ, se préparaient à gagner les mers de Chine ou du Japon. Tout près de l'embarcadère principal s'élevait la nouvelle gare, point extrême du Transsibérien et sur laquelle est gravée une inscription que les Russes montrent avec orgueil. De Pétersbourg à Vladivostok, 9877 verstes, c'est-à-dire à peu près 10 500 kilomètres. Malheureusement, la vue sur le port est toujours gâtée par la poussière. Cette poussière noire, sale, grasse, est la plus désagréable de Sibérie. Elle entre partout, pénètre dans les vêtements qu'elle abîme, et il est impossible de faire une visite avec un col resté propre. Les environs sans la poussière seraient très agréables, mais sont en revanche mauvais. Les chasseurs méprisent toutes les difficultés, car le gibier est très nombreux, et sans aller bien loin, on peut faire des équipes hécatombes de faisans, de canards et d'oies sauvages. Si je ne cite pas de chiffres, c'est qu'ils sont si élevés qu'on me taxerait d'exagération. Les amateurs de gros gibier chassent le cerf dans les îles voisines, l'ours et le loup dans les forêts, et plus d'un a trouvé parfois sur sa route le tigre et la panthère qu'il ne demandait pas à rencontrer. Les plaisirs sont rares à Vladivostok et bien des gens deviennent chasseurs par ennui et pour tuer le temps. La ville est en partie une ville de fonctionnaires qui n'y séjournent qu'un certain laps de temps afin d'y gagner plus rapidement quelques grades et d'y acquérir des droits à une pension de retraite supérieure à celle des fonctionnaires restés toute leur vie en Russie. À côté d'eux sont les commerçants et sans parler de ceux qui vendent les aliments et les objets indispensables à la vie, je citerai les grands marchands de fourrures et les propriétaires ou concessionnaires de mines et de pêcheries. Il n'y a guère de gens à Vladivostok qui n'aient à vous proposer un charbonnage, une mine d'or ou de cuivre, et trop souvent eux-mêmes s'illusionnent sur la valeur de leur richesse inexploitée, parfois même inexploitable, et c'est avec la meilleure foi du monde qu'ils perdraient l'argent de leurs actionnaires. Quelques Français s'occupent de commerce. Ils tiennent des magasins de nouveautés, de mode, de bijouterie. On peut avoir une idée des richesses du pays en visitant le musée de Vladivostok. Les Russes ont fondé en Sibérie de nombreux musées d'ethnographie et d'histoire naturelle qui renferment des collections asiatiques et qui sont, par conséquent, avant tout des musées locaux. Certains sont déjà presque célèbres et méritent de l'être. Celui de Mykonsinus, par exemple, qui a envoyé d'admirables collections à l'exposition universelle, et celui d'Irkoutsk, qui a déjà une histoire et un passé assez glorieux. La Société de géographie et le musée d'Irkoutsk ont rendu en effet de grands services à la science. Le musée de Vladivostok est intéressant, mais il a souffert du voisinage de la ville de Khabarovsk. C'est dans cette dernière ville que vit le gouverneur général de l'amour, qui a tenu à faire du musée de Khabarovsk un établissement de haut intérêt scientifique. Ce musée mériterait de s'appeler musée Grodekov, c'est-à-dire de porter le nom du gouverneur général qui a consacré tant de soins. Celui de Vladivostok est moins important, mais il y a plus d'hommes capables de gérer un musée à Vladivostok qu'à Khabarovsk. Les deux musées, d'ailleurs, avaient envoyé à Paris, en 1900, une belle collection de l'extrême Sibérie. On espérait en France qu'une partie des objets exposés serait offerte au musée parisien. Il n'en a rien été, et l'exposition russe ne peut être comptée, loin de là, parmi les plus généreuses. Lorsque je suis allé pour la première fois visiter le musée, j'avais un cocher, ancien forçat, qui me témoignait une évidente sympathie. Il m'attendit à la porte, et lorsque je remontais dans ma voiture, « Voyons, dit-il, qu'est-ce que c'est que le musée ? Tu n'y es jamais entré ? Jamais, mais j'y conduis souvent les étrangers qui passent ou les fonctionnaires de Vladivostok. Cela doit être vraiment bon, ce qu'on boit là-dedans. » Il avait pris la maison pour un restaurant, et le mot musée pour un terme chinois. Je ne l'ai pas détrompé. Les administrateurs du musée m'accueillirent de façon charmante. Ce sont des gens dévoués à leur cause et qui travaillent ardemment à faire du musée de Vladivostok le grand établissement scientifique qu'il pourrait être. Avec le beau désintéressement qu'on trouve souvent en Russie, il ne demanderait qu'un salaire suffisant pour vivre, plus de confiance et un contrôle moins lourd. Ceux-mêmes qui ont quelques ressources venant d'un autre côté se passeraient de rétribution. Actuellement, d'ailleurs, les documents sont gratuits et pourtant nombreux. C'est là un des très nobles côtés du caractère russe et je me reprocherais de ne l'avoir pas signalé ici. Plus heureuse que les autres collections d'Asie, toutes les collections de l'Asie russe ont une place dans nos musées. Le muséum est toujours prêt à recevoir des spécimens d'histoire naturelle. Mais nous n'avons aucun établissement qui puisse accepter les collections ethnographiques de l'Asie. Le musée du Trocadéro ne comprend que quatre parties du monde, l'Asie n'y est pas admise, et le musée Guimet, qu'on avait cru destiné à l'ethnographie d'Asie, est aujourd'hui un musée de religion, admirable d'ailleurs. C'est pourquoi beaucoup de collections recueillies par nos explorateurs, offertes par des pays étrangers, envoyées par nos agents diplomatiques, restent des années dans des caisses abandonnées dans la cave ou le grenier de musée, qui n'ont ni le droit de les accepter, ni la place pour les exposer. Les collections de Sibérie ont pu parfois entrer au Trocadéro. On a annexé à la Russie ses possessions asiatiques, et les voyageurs d'Asie russe, moi tout le premier, ont eu enfin la joie de trouver une hospitalité aimable et intelligente pour les collections qu'ils ont rassemblées. On peut acheter beaucoup d'objets curieux à Vladivostok. Un jour, un Chinois vint même me proposer des collections. C'était un type curieux, très intelligent et très peu scrupuleux. Les Russes aiment l'eau de vie, et ce Chinois traitait ses affaires après avoir préalablement grisé celui qu'il désirait voler. « Je ne prétends pas que ma conduite soit digne d'éloge, » me déclara-t-il un jour, « mais la fin justifie les moyens. Quand je serai riche, je pourrai retourner au pays où m'attendent ma femme et mes enfants, et c'est tant pis pour les imbéciles qui se laisseront tromper par moi. » Et comme je m'indignais de sa franchise, il reprit, « Oh, ne le prenez pas ainsi. Chaque métier a son vilain côté. Tenez, vous, par exemple, vous venez ici pour faire des études, voilà qui est bien. Mais vous emportez des collections pour vos musées, et parmi elles, sans doute, quelques crânes de sauvages que vous aurez trouvés on ne sait où. Trouvez-vous que cela soit très propre? Il y a dans ma façon d'agir des choses qu'il faut passer sous silence, et dans la vôtre, des faits sur lesquels on doit fermer les yeux. Excellent Chinois, bah !» C'était une promenade à Vladivostok par Paul Labbé.